On va parler du côté de la compétition qui va avoir lieu en fin de semaine à Saint-Félicien. C'est une Coupe Canada de vélo de montagne et une Coupe du Québec. Ça va avoir lieu samedi et dimanche. On parle avec Martin Demers. Salut Martin. Oui, bonjour. Martin, Coupe, ça va être encore une fois relevé cette année? Bien, c'est quand même une tranche du circuit canadien. Fait qu'on s'attend d'avoir quand même plusieurs élites des trois provinces. Ça va être assez relevé. C'est sûr que c'est pas comme un championnat canadien, par exemple. Le championnat canadien est un peu plus relevé. Coupe Canada, bien, ça amène quand même des bons coureurs. On s'attend pas peut-être à avoir un record de participation, compte tenu que on vient de vivre trois fins de semaine de compétition, là, une Coupe du Québec en Gaspésie, un championnat canadien, puis c'est une roue, puis en même temps, on tombe en même temps que les Jeux du Québec. Un petit peu de trafic, on va dire, dans le monde. Mais on va quand même une belle course. Il y a quand même ça va quand même assez bien. Peut-être que la participation est un peu moindre, mais je pense que quand même les principaux acteurs, les principaux élites vont être là avec nos locaux. Avec aussi le dimanche, une Coupe du Québec, quand même, c'est une coupe d'une tranche de sécurité régionale. Je pense qu'on va quand même une belle représentation et un beau spectacle quand même. OK. Si on parlait maintenant des noms, Léandre Bouchard d'Alma, qui a été confirmé pour les Jeux du Québec, sera là. Et ça va être un beaucoup des organisations et de l'organisation aussi, là. Oui, bien, on a mis les Jeux olympiques. Ouais. J'ai confirmé qu'il venait à Saint-Félicien, parce que ça relève encore le ton des élites. Ouais. Léandre devrait normalement. Son épingle du jeu, là, je ne peux pas dire si Raphaël Gagné va être là, mais à cause, je pense qu'on va avoir un coureur de calibre international, qui est Léandre Bouchard. Ouais. Victor Véro, quand même, un bon coureur. Peut-être montant. Ouais. Ouais. Puis beaucoup de coureurs, quand même, qui viennent du Cyclone, qui sont quand même bien placés sur la Coupe Canada présentement, avec Catherine Fleury. Je pense qu'on a quand même une bonne délégation régionale qui va nous représenter pour ces deux week-ends-là. Et on risque d'avoir beaucoup de médailles régionales. Parle-moi des particularités de la piste. Est-ce que pour les coureurs, le centre de ski de Toboski est vu comme une piste difficile? Je pense que c'est quand même un parcours difficile. Cette année, on a peut-être allongé un peu le parcours du cross-country de peut-être un kilomètre pour peut-être l'alléger un peu. L'an passé, au cross-country canadien, ça avait été assez difficile. Aussi, compte tenu de la température, il n'y avait pas tellement été très bonne l'an passé avec le parcours, la section de la montagne, on peut parler, là, qui est face aux spectateurs. C'était assez détérioré. Fait que c'est pour ça que là, on a rallongé un peu pour changer ça un petit peu, que ça va être un peu plus facile. Le lendemain, le contre-la-montre, c'est un parcours de 10 km, est encore là, en pointant des sections sur l'écran, qui est un peu une renommée chez nous. OK. Quand même, c'est un parcours assez difficile.